Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je reçois une punk. Depuis plus de 20 ans, elle découpe, dissèque, déshabille et farde les grandeurs et les décadences de ses contemporains. Elle a pratiqué la rue et le chapiteau, le théâtre et le salon, fédéré une belle concerie de connasses et tendu un miroir hilarant et glouton à des milliers de gens. Aujourd'hui, je reçois Sarah Selma Dolores. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour Manu, bonjour Tourte. Comment ça va? Ça va, oui. Ouais, ça va bien. Ouais. T'es en pleine tournée de rire pour en finir avec soi-même, ton dernier bébé. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Bah oui, ça se passe bien, c'est chouette. C'est inattendu aussi, ce joli succès de ce spectacle, parce que c'était quand même ma première création au théâtre. Et donc j'avais très très peur et j'étais pleine de doutes, et comme souvent, mais là encore plus. Et puis ben, finalement, ça a rencontré un public et j'avais peur aussi de ce que je racontais. Le sujet est glissant, c'est une patinoire. Ben oui, on aura l'occasion d'en parler très longuement dans cette interview. Donc, comme d'habitude, tu fais pas dans la demi-mesure. Voilà, donc finalement, je suis contente Et puis, là, la tournée, j'ai quand même une équipe extraordinaire de gens merveilleux, heureuses. Et donc ça, c'est doux, même si c'est intense dedans, mais c'est doux. Ouais, dans l'équipe au plateau, il y a notamment Olga Kalashnikova qui est passée par le podcast il y a quelques mois, je pense, au moment où vous étiez en train de répéter, parce qu'il me semble qu'on en a parlé un peu pendant son interview. Puis il y a Jean Biche, il y a Kim Yamen, et puis il y a l'équipe régie et tout. Et puis il y a la reine de Belgique aussi qui est arrivée. Mais non. Alvilda a rejoint l'équipe. Ah, mais oui, il y a eu une reprise de rôle, c'est ça. En fait, on a doublé les performeuses, donc il y a Baxter aussi. Oh, waouh! Baxter a fait la créa et puis Baxter, c'est quelqu'un de très occupé, donc on l'a doublé avec Jean Biche et puis on a doublé Kim Yamen avec Alvilda et puis on n'a pas doublé Olga car elle était irremplaçable. Donc en petit sous-titre pour nos auditeuristes qui n'auraient pas l'habitude, doublé, ça ne veut pas dire qu'on les a mis dans une cuve de clonage, c'est que on a appris à quelqu'un d'autre à endosser le rôle et comme ça, si elles ne sont pas disponibles, la pièce peut se faire avec une autre personne. C'est ça. Et en même temps, sachant que là, on est face à des gens de cabaret, on ne leur a pas demandé de mettre les chaussures de l'autre. On leur a dit, venez avec vos chaussures et on va ajuster pour vous. Ah oui. Ouais. Oui, parce que on va pas mal parler de cette pièce pendant cet épisode et on va pas s'empêcher d'en parler vraiment, donc quitte à divulgâcher un peu, à spoiler quelques petites choses, mais vraiment aller voir, parce que déjà, tu m'as dit en préparation de l'émission que en fait, ça change tous les soirs, parce qu'il n'y a pas de texte final et définitif. Il y a quand même un canevas assez préparé, mais tu te laisses de la place à l'improvisation. Est-ce que tu veux qu'on ferme le store, parce que je te vois? C'est assez agréable, il y a du soleil en Belgique, on ne va pas... effectivement, je suis un peu aveuglée. Tu préfères l'éblouissement ou tu préfères le... C'est-à-dire que Manu, tu ressembles à une éminence noire, là, tu sais. Mais c'est très bien. Non, garde, parce que... On a de la lumière, on en profite. Très bien. Petite parfum de direct dans cette émission. Mais donc, je disais, tu te laisses quand même une place à l'improvisation. Il y a un canevas, il y a quelque chose qui est quand même très préparé dans l'écriture. Ouais. Mais il n'y a pas de texte définitif publiable de cette pièce. Parce que donc effectivement, moi j'ai une pratique au départ qui est plus liée aux arts mineurs, donc la rue, les cabarets. Je dis art mineur, ne vous énervez pas, les autres. Je dis art mineur pas parce que je vous trouve con. Je dis art mineur parce que, comme toute histoire, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et donc, il y a des gens qui se sont amusés à classer les arts. Et donc, il y a des arts majeurs et des arts mineurs. Et c'est pas ce que je pense. Mais non, mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'art mineur. Si, il y en a. Et après, on fait ce qu'on peut pour les rendre majeurs. Mais au départ, il y en a. Et donc, toute l'histoire du cabaret est une histoire d'empêchement face au théâtre. Les gens de cabaret n'avaient pas le droit de faire des dialogues parce que parce que sinon il faisait de la concurrence au théâtre, donc c'est pour ça que c'est une culture du monologue et du solo, les gens de cabaret n'avaient pas le droit à XXX, et c'est comme ça qu'on a écrit notre art. Donc, voilà, parenthèse fermée. Donc, moi je viens des arts mineurs, la rue, les arts forains, le cabaret, et donc ben, forcément... Bien sûr, il y a une pratique de l'oralité, de l'improvisation, mais aussi du dialogue avec le public, qui est quand même le partenaire principal souvent des performeuses, je crois. En tout cas, de façon dont moi je vois les choses. Et donc ce spectacle Rire pour en finir avec soi-même, qui jouera au Rideau en septembre prochain pendant 2 semaines, encore pour ceux qui n'ont pas vu. Bien, on sent que tu as l'habitude de, ouais. de placer ta pub à tout moment. Non, mais bah, oui. C'est pas tellement ça, mais c'est aussi pour... rendre concret l'épisode, ben oui, ce n'est pas, c'est ce que j'appelle un discours préparé. Donc, il n'y a pas, je l'ai écrit en improvisation de plateau avec un protocole de travail que j'appelle dramaturgie restreinte. Hein, et donc, j'allais chercher, je suis allée chercher en état. Oui, en état émotionnel, en état de physique, en état de voix, parce que la créature ne dit pas la même chose que moi, Sarah. Oui, d'ailleurs, on sent qu'il y a plein de moments dans le spectacle où on sent très bien que tu es en personnage, que notamment la voix change, tu as une voix qui est plus aiguë, un peu plus nasillarde, etc. Et même dans la corporalité, on sent que tout à coup, c'est beaucoup plus tenu, c'est beaucoup plus tranchant. Et puis, il y a des moments où c'est plus Sarah qui est là, on retrouve des graves, on retrouve quelque chose d'un peu plus relâché dans le corps. Et tu joues très bien avec des allers-retours entre les deux. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as eu besoin de créer ce personnage, cette créature, comme tu l'appelles? Moi, spontanément, ça me faisait penser à une espèce de clown, c'est une espèce de clown de Sarah, bon, qui n'a pas de nez. Mais, pourquoi est-ce que tu as eu besoin de ça? Bon, alors, moi, j'ai 45 ans, donc c'est-à-dire que dans un temps queer, c'est vieux, très vieux, c'est presque un dinosaure. Et donc, j'ai été. Moi, j'ai commencé le cabaret. Avec une vieille dame qui s'appelle Peggy Lee Cooper et qui, à l'époque, avait un collectif qui s'appelait Drag Attack sur les planches de chez Maman, paix à son âme. Et donc, à l'époque, tu ne pouvais pas être une femme cis et être une drag queen. Ça, ce n'était pas pensable. Hein. Et ce n'était pas pensable même dans les premières années du Cabaret Mademoiselle. Hein. Tu ne pouvais pas être femme cis et être drague. Ça n'existait pas. Les dragues, c'était que pour les homosexuels. Hein, et puis, basta, cosy. Et des questions trans, finalement, n'étaient pas encore tellement arrivées jusque-là pour nous. Donc, moi, je m'étais figuré cette chose comme ça, c'est-à-dire, si la drag queen est une expression d'une hyperféminité... qu'est-ce qu'elle serait pour une femme, pour moi, comme moi? Et donc, je m'étais dit, ben, c'est simple, la femme au super pouvoir, c'est la femme enceinte. Et, parce qu'elle est inattaquable, elle est intouchable, c'est presque une déesse comme ça aussi. Elle ne s'appartient plus, elle devient domaine public. Et donc, ça a démarré comme ça avec Jean Biche. On a rigolé un soir et je me suis collé ce faux ventre. Et il y avait Loulou Velvet dans cette soirée. Et on est parti en cacahuète. C'était une grande improvisation joyeuse. Donc d'abord, j'en avais pas besoin. Elle a surgi toute seule, comme une grande. Ah oui. Ah ouais. Elle a surgi, elle m'a surprise. Et puis finalement, elle s'est bien implantée. Elle est restée là. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais travailler avec elle. Parce que pour moi, c'était une créature avec laquelle je m'amusais pour faire des petites perfos, des choses comme ça. Je pensais pas que j'allais. Donc là, tu parles toujours de tes années Cabaret Mademoiselle, etc. En fait, ouais. C'est cette même créature qui est là depuis ce moment-là. Ouais. Donc tu as vraiment un persona drag. Ouais. Elle a un nom ou non? Parce que je crois pas qu'elle. Oui, ça. Je crois pas qu'elle se nomme pendant le spectacle. Non, à l'époque, Mademoiselle Boop. C'est la première fois que j'ai fait le cabaret, moi j'avais pas de blase. Et donc, Mademoiselle Boop avait pris le micro. Et comme il y avait mon amoureux qui était dans la salle, qui venait juste de me rencontrer, qui se disait putain, sur quoi je suis tombée. En plus, mon mec il connaissait pas du tout ce monde-là, donc il était pas du tout. Et Mademoiselle Boop m'avait appelée Dolores Bergeron, parce que Sarah Selma Dolores, c'est mes vrais prénoms. Et donc Bergeron est le nom de mon cher et tendre. Et donc, elle m'appelait Dolores Bergeron, mais ça n'est pas resté. Hein. Donc, non. Donc, c'est Sarah Selma Dolores. Et moi, ça me va bien parce que et Sarah et Selma Dolores, ce sont donc les prénoms de mes grands-mères. À un moment, j'ai effacé mon nom de famille pour faire exister mes grands-mères parce que je les subissais. Et donc, j'avais pas envie de les subir, donc j'avais envie de les choisir et de les trimballer. Donc, c'est comme si moi, allez, en l'état, même là, quand on se discute ensemble, Manu, j'ai le choix de faire parler soit l'une, soit l'autre. Et comme si j'étais pas, même dans notre dialogue, là, j'étais pas assignée à devoir être une personne. Et donc voilà, il y a d'autres gens qui existent à l'intérieur de moi, des moi minoritaires, et donc elle fait partie de cette équipe. Ok, merci pour ça. Le spectacle, globalement, c'est un seul en scène, un long monologue, en dialogue avec le public, comme tu le dis bien, et dès le début, tu nous chopes et tu nous lâches pas de tout le spectacle. Et c'est ponctué par des performances. Alors, on parlera de l'aspect cabaretique de tout ça en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, c'est un peu tarte à la crème comme question, mais comment tu as travaillé ça ? Est-ce que tu avais cette créature qui était là ? J'imagine que tu avais amassé de la matière petit à petit, mais comment t'en es venu à mettre tout ça ensemble ? Parce que quand même, c'est de l'écriture préparée, comme tu dis. Effectivement, c'est très, très bien construit. Dans où tu nous emmènes, comment tu nous amènes. En plus, tu parles à un public. Enfin, moi, je l'ai vu au Varia. La salle était quand même très très bigarrée en termes d'âge, en termes de queer pas queer, etc. Et donc, comment on travaille un monologue aussi sensible ? Est-ce que tu l'as fait seul ? Est-ce que tu avais déjà une équipe pour travailler l'écriture au départ ? Bon, alors en fait, moi, comment on travaille ? Déjà, on travaille, je dirais, en ne sachant pas ce qu'on veut dire à la fin. Moi, ça me paraît important quand même de démarrer un travail en me disant j'ai des intuitions, il y a des choses qui m'énervent, il y a des choses qui me révoltent, il y a des choses qui me font bander, ce que tu veux. Mais je ne sais pas ce que je veux dire à la fin. Et donc, de laisser au travail le temps de se donner et de faire le chemin. Pour moi, c'était hyper important. Et donc pourquoi j'ai écrit ça, c'est parce que j'étais dans un moment d'abord parce qu'on me l'a demandé. Moi, j'aurais jamais travaillé avec ce personnage, c'est-à-dire je suis beaucoup plus je manque beaucoup plus de confiance en moi que j'en ai l'air, et donc j'aurais jamais imaginé faire ça. Voilà. Donc on me l'a demandé, l'histoire c'est quand même assez joli, c'est Mylène Lauzon qui est la directrice de la Bellone, qui vient me voir au cabaret Mademoiselle souvent, et un jour me dit « Sarah, ça serait bien que tu te prennes un peu au sérieux. Viens faire une résidence chez moi. » Et donc, voilà. Je me suis retrouvée un mois en résidence à la Bellone, où j'ai vécu un bad trip de classe, parce que j'étais quand même dans un endroit phare de la création et de la dramaturgie, et je me sentais vraiment pas du tout à mon endroit. Et donc, j'ai fait un bad trip de « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que quoi ?» Et puis, j'ai fait une sortie de résidence où je suis arrivée avec ce personnage que je travaille au cabaret, que j'ai un peu dévêtu. Et là, on m'a dit « Il faut que tu fasses un spectacle. » Et donc, c'est à la sortie de cette résidence d'écriture que j'ai émis cette hypothèse que de quoi on pouvait rire finalement, hein, parce que ça pose ces questions-là, entre autres, le spectacle. Il y avait quelque chose qui n'était pas tellement sur les nouvelles sensibilités queer ou des moralismes progressistes ou des choses comme ça. C'était que peut-être qu'on pouvait rire de choses et que ça avait à voir avec la classe et le capital culturel. Et en fait, moi, j'ignorais que c'était un sujet battu et rebattu par la sociologie. Mais, mais pour moi, c'était nouveau. Et pourquoi ? Parce que post-Covid, il y a toute une nouvelle scène de performeuses qui sont arrivées dans les cabarets, qui étaient, d'une autre génération, hein, qui ont 10 ans de moins que moi, 15 ans, 20 ans. Et puis, on m'a beaucoup envoyé au visage qu'on pouvait pas... Que les sujets dont je riais n'étaient pas risibles. Qu'on n'avait pas le droit de... Non. qu'on n'avait pas de droit, rire de ça comme ça, et quoi. Que j'étais problématique et que j'étais de droite. Et donc, il y a eu tout un tas d'adjectifs qui sont venus se coller à moi avec un malaise grandissant d'un endroit qui était ma famille. Et puis, tout d'un coup, qui avait changé de visage. Et puis, donc, là, j'ai démarré l'enquête. Et tu vois, la question du rire, tous les dérivés sémantiques du mot rire, rire, risible, ridicule, dérisoire. C'est quand même... C'est manifeste que rire, tous les dérivés du mot rire sont des mots péjoratifs. Et donc là, une enquête démarre. Et donc cette enquête, elle démarre. L'enquête personnelle, c'est est-ce que je suis vraiment de droite ? Parce que je me la suis vraiment fait, dans la mesure où j'ai 45 ans, ça arrive à des gens très bien, et souvent ça arrive en vieillissant. donc j'ai vraiment fait, et donc tous les gens qui pchipchitaient dans le milieu derrière moi, je suis allée les voir en disant, alors, dis-moi. Des gens que je ne connaissais même pas, hein. Des gens connus sur la scène, etc., et qui étaient un peu surpris de ma démarche. Mais j'ai dit, alors qu'est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Dis-moi. Et puis, j'ai beaucoup lu. Voilà comment on écrit un spectacle. J'ai quand même beaucoup lu sur le sujet. Mmh. Et donc, quand je dis discours préparé, c'est bien ce que ça veut dire. C'est que je lis beaucoup, je prends des notes, ce qui fait que quand j'arrive au plateau... et que j'improvise, j'ai quand même mâché de la pensée qui n'est pas que la mienne. Oui, oui, tu as un beau bagage avec toi. J'ai un beau bagage avec moi. Par ailleurs, sur ce projet, je trouvais important de travailler avec des gens différents, donc j'ai pris 3 dramaturges, et j'ai enregistré mes conversations avec ces gens. Donc j'ai travaillé avec un philosophe, théoricien du droit, qui est venu vraiment me parler sur la question de la liberté d'expression. Ça a été passionnant. Et aussi sur le rire, c'est un classique de la philo. Mm-hmm. Hein, c'est aussi un truc... ça ne veut pas dire que ça a forcément été bien compris, parce que le grand hit, c'est Bergson, et il n'a rien compris. Donc, il n'a vraiment rien compris. Voilà. Pourtant, ce n'est pas un con, hein, mais il n'a rien compris. Et donc voilà, avec donc Laurent de Sutter, qui est un auteur belge, bruxellois, philosophe, avec Stéphane Olivier, qui vient lui plus de l'institution du théâtre, parce que moi j'ai pas fait l'INSAS, j'ai pas fait l'IAD, j'ai pas fait les écoles, et donc j'avais besoin pour cette première mise en salle de me dire, oh, je vais prendre un bon vieux technicien, et lui il a eu un collectif transquinquennal qui a marqué, et puis Meryl Moons, qui elle est une bibliothèque féministe extraordinaire. Et donc, avec ces 3 personnes, plus mes lectures, j'ai pu être en désaccord et travailler. Parce que, si tu vois, c'est assez marrant. Hein, chez les intellos, être en désaccord, c'est plutôt sain. Ouais. Chez les politiques, c'est chiant, mais chez les intellos, c'est plutôt ça qui donne du grain à moudre. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça fait penser. Tu vois. Je dirais qu'il y a une gestion du conflit. Hein, la nécessité du conflit chez les intellos, elle est nette. Et donc, c'est des gens avec qui on peut dire maintenant, là, c'est nul. Là, c'est... Mmh. Et donc, ça, c'était très intéressant. Donc, voilà, j'ai beaucoup, quand même beaucoup lu. Et donc, j'ai pas. Et puis, regardez ce qui se passait aussi sur les réseaux. Etc. Mais ouais. Alors, mais justement pendant le spectacle, bon déjà il y a ce moment où tu nous dis le rire est de droite, donc on va assumer là maintenant, on est un peu tous et toutes de droite. Allez, dites-le avec moi, nous sommes de droite. Ce que je dis, c'est pas que le rire est de droite, je dis que c'est juste que, enfin, c'est pas que le rire est de droite, mais c'est que il y a que les gens de droite qui peuvent rire aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. C'est, je trouve, enfin en fait, il y a plein de moments où je trouve que c'est extrêmement juste aussi sur. Comment dans les gens qui se réclament de la gauche, on gagnerait à péter un coup et à rire un peu plus. Vu que le temps file, moi je voulais faire un petit arrêt parce que c'est une question qui traverse beaucoup le cabaret queer, donc ça va un peu introduire cette deuxième partie. Mais c'est cette question du consentement. Et il y a un moment dans le spectacle où tu nous parles de consentement, où tu nous dis que bon, ça te fait un peu chier, mais que c'est quand même important, mais que. Et tu prends à partie une personne du public, Bertrand, le fameux, et tu vas jusqu'à rouler une grosse pelle à quelqu'un du public. Pas toujours. Ah, alors ça, c'était ma question. Non. Ok, donc en tout cas, le soir où je suis venu, ça s'est terminé par un baiser. C'est Bertrand qui donne. Voilà. Et donc, je trouvais ça très intéressant parce que Alors évidemment, là, comme je le dis, c'est très brut et on se dit quoi, elle chope quelqu'un et elle lui roule une grosse pelle. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Non. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement que tu ne. Tu prends quand même un sacré risque. C'est-à-dire que tu te rapproches, et puis tu te retrouves à ses genoux, et puis tu te relèves petit à petit, et puis tu dis oh, je tombe, relève-moi. Il te relève, et là, il y a ce moment. Et là, j'ouvre la porte à ce qu'il fasse quelque chose. Ouais. C'était important pour toi d'incarner en fait ce thème aussi important et aussi traité avec tellement de sérieux par les scènes de cabaret d'ailleurs. Ben oui, parce que ben, ça revient sur ta première question, mais donc comme ça je dis que il y a que les gens de droite qui rient parce que en fait la droite aujourd'hui elle fait n'importe quoi, elle se permet tout, elle attrape les femmes par la chatte, je veux dire. Alors que historiquement la droite c'est elle qui tenait les bonnes valeurs, papa dans maman, tout ça, tout ça. Et puis, bon, vu que plus personne n'est moral à droite, il faut bien que la gauche s'empare d'un peu de morale. Et donc, c'est la gauche qui devient moralisatrice et qui dit bah, « Attention, on ne peut pas dire ça. Attention, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Attention, traite pas les gens de PD comme ça. » Tu vois. Et donc, bien sûr, elle le fait parce que personne d'autre est en train de le faire. Mmh. Hein, c'est bien ça. Et donc là-dessus, bah, moi je dérive sur la question de la safe place, bien sûr, donc, et du consentement, c'est-à-dire cette obsession du milieu queer, et pas pour rien, hein, d'avoir des safe places et de du coup de légiférer sur un comportement de vie en commun au sein des safe places. Avec par ailleurs la question du consentement qui est au cœur du travail. Et donc, ben, oui, c'était des choses qui m'intéressaient à battre et à rebattre. Parce que j'ai toujours eu un Bertrand quand je faisais du cabaret. Et donc, ça a fait partie des choses qui m'ont été reprochées quand je performais. Que j'attrapais un mec dans le public et je lui disais et je lui sautais dessus. Et finalement, je l'agressais sexuellement. Moi qui avais été agressée maintes et maintes fois sexuellement, tu vois. Mmh. Et donc, je retournais l'insulte, mais visiblement, c'était plus possible comme ça. Et donc, oui, mais je m'amuse avec ça et je parle du fait qu'il y a quand même plusieurs vagues dans les féminismes et que dans certaines vagues, on s'est juste battu pour pouvoir sortir de chez nous. Mmh. Et donc, la question de se battre pour s'enfermer dans une pièce nous paraît un peu étrange. et que... Ouais, il faut bien comprendre qu'on allait à peut-être la cinquième vague de féminisme, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses et que moi, je suis un vieux modèle et que je n'arriverai pas finalement à être aussi douce puisque je suis née dans un monde assez violent avec ça. Mmh. Ok, merci. l'heure tourne, donc on va faire une première pause musicale. Et tu nous amènes une voilà, chanson sans transition. Sans transition, une chanson de Régine. Les femmes, ça fait péder. On découvre ce petit bijou. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles, et on se retrouve juste après ça. Belle écoute. Les femmes, ça fait péder, c'est très efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça met des jupes, non mais de quoi je m'occupe. Les femmes, ça met des bas, ni l'on soit. Les femmes, ça fait péder, c'est très très efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça met du rouge à lèvres, et quand ça bouge des hanches, ça fait marcher les PDG. Les femmes, ça fait péder, c'est très très très efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça se parfume, les femmes, ça boit, ça fume. Des liqueurs de banane et des havanes. Les femmes, ça met du rouge rouge à lèvres. Et quand ça bouge des hanches, ça fait marcher les PDG. Les femmes, ça fait péder. C'est très très très efféminé. Tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça fait tellement efféminé qu'il y a plus d'un PD qui est resté. Vous êtes toujours sur Freaks et Merveilles, c'était Les Femmes, ça fait PD de Régine. Pourquoi est-ce que je ne suis pas tout à fait étonné que tu nous amènes ça dans tes valises? C'est un peu notre grand-mère à tous, Régine, quand même, grande dame de la nuit. Et puis j'en parle dans mon spectacle, la question du mot PD, par exemple, le dérivé sémantique et tout ça, qui est devenu une insulte, mais qui n'a pas à rougir de ce qu'elle dit, en fait, et de ce qu'elle est. Alors qu'homosexuel me semble plus compliqué à porter comme mot. Homosexuel, c'est un terme qui a été inventé au 19e siècle. Au même moment, on développe toutes les théories racistes. D'ailleurs, ça se voit, c'est un mot un peu savant, un mélange de grec et de latin. Et donc, c'est vraiment... avec l'homosexualité est née les thérapies de conversion, quoi. Et les chocs et tout ça. Alors que pédéraste, c'est qui aime les jeunes hommes, en grec. Et donc, c'était aussi une école de pensée. Et voilà, des fois, je regrette un peu la longue dérive des mots. Voilà. Et sur ces belles paroles, nous entrons dans la deuxième partie de cette émission je commence avec une grande question. J'ai lu un peu partout que rire était, donc rire pour en finir avec soi-même, ton spectacle, était considéré comme un cabaret. Ouais. Et du coup, j'ai envie d'ouvrir avec cette espèce de question un peu tarte à la crème. C'est vraiment un cabaret, rire ? Non. Non, c'est pas vraiment un cabaret, en fait. C'est pas un anti-cabaret, mais c'est plutôt un cabaret inversé. C'est-à-dire que d'abord, moi, j'ai adoré quand je travaillais et que je faisais du cabaret, j'étais toujours MC. J'ai adoré servir la soupe. J'ai beaucoup appris de tout ce que je sais sur mon métier en servant la soupe, c'est-à-dire vraiment en essayant de présenter mes camarades au mieux, d'une part, mais aussi en emmenant avec la disparité des propositions, parce que c'est ça qui est intéressant aussi au cabaret, c'est que des fois tu présentes des gens que t'aimes pas trop, ou t'aimes pas trop le travail. Et puis en fait, ça travaille quelque chose avec d'humble là-dedans. Et toi, tu dois quand même, tu mènes la soirée, le discours de la soirée. Et donc, mais tu passes les plats aussi. C'est pas rare que t'aies une performeuse qui te dit « Ouais, mais gna gna, j'aime pas comment tu fais ça. » Ou quelqu'un qui vient te dire que c'est trop long. Ou si... Enfin, voilà, t'es sans filet, mais tu peux potentiellement t'en prendre plein la gueule. Et là, c'est un cabaret inversé, puisque c'est le MC, c'est la maîtresse de cérémonie qui prend toute la place, d'abord. Et c'est les cabarets et c'est les numéros qui deviennent d'autres éclaircissements, qui deviennent un liant. Et puis c'est aussi... D'ailleurs, elle n'introduit pas du tout les autres artistes et tout. Non, elle les désintroduit souvent. Elle en parle après, ou elle les utilise après, parce que ça porte des trucs qui sont posés au début. Hein, c'est un spectacle où je lance plusieurs lignes, et puis après, il y a des poissons qui s'accrochent. Et donc, c'est pas une histoire, il y a beaucoup de lectures au sein de la narration. Et puis après, c'est un cabaret inversé aussi parce qu'il ne montre pas les coulisses, mais il montre... quand même, il parle de ce métier-là. Il parle de ce monde-là. Et il parle de la nuit, et il parle et ça agit comme un grand striptease, quand même. Tu remarques, tout le monde... Finalement, quasiment tout le monde démasque. Hein. Tout le monde se retrouve plus ou moins à poil, au sens métaphorique ou concret du terme. Donc voilà, c'est objet comme ça. Tu dis notamment à un moment, ta créature dit à un moment que les artistes de cabaret, alors là je te cite plus ou moins de tête, mais c'est les livreurs Uber du spectacle vivant. Et d'ailleurs, t'es fâché parce qu'ils ne reviennent pas étudier à l'heure qu'il est, ils sont sans doute à Middlekerk. À Middlekerk, voilà, c'est ça. Mais je dis, le cabaret, c'est le Uber du divertissement. Bah oui, je dis ça. C'est une blague, hein, mais oui. Non, mais je la trouve... Pour moi, elle m'a donné à réfléchir, en tout cas, ouais. Bah oui, parce que... ça, j'ai rajouté dans la version française, mais c'est pas pour rien. Rachida Dati, en France, elle a fait un grand plan de soutien au cabaret. Hein. Disons que le cabaret, historiquement, c'est une économie du solo, hein, pour toutes les raisons justement liées aux arts mineurs majeurs et aux interdictions qui ont été le cas du cabaret pendant longtemps. Donc c'est une économie du solo, chacun avec sa petite valise, et puis ses personnages, ses plumes, ses boas, et puis hop, on va de cabaret en cabaret. Donc, ben, toute personne seule ne fait pas de syndicat. Voilà, et toute personne seule, ben, finalement, ne s'organise pas avec les autres, etc. Donc, il y a déjà ce constat-là. Bon, maintenant, heureusement, grâce à des gens comme toi, Blanquette, et toutes les gens qui, aujourd'hui, tous les gens, Ernesto, qui sont en train d'organiser un peu les questions cabaretistiques, de comment on se met d'accord, mais avant ça, ben, il n'y avait pas. Donc voilà, il y a un truc comme ça. Et puis, ben, voilà, tu m'appelles et je viens. Hein, et ça, c'est aussi l'aspect prostitutionnel qui a souvent été, disons, une partie aussi du métier historiquement. Ouais, et bon, ça ne se fait pas trop en Belgique, mais dans d'autres cultures, tu fais 3, 4, 5 cabarets sur ta soirée. Exactement. Et ça, tu regardes. Ben, y avait un truc très, très bien sur la RTBF Ovio, justement, où tu suis des New Yorkaises et dans la soirée, elles enchaînent 5, 6 cabarets. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, c'est clair que c'est un peu le Uber du divertissement et que il vaut mieux le savoir. Moi, je suis toujours... bon, vous avez compris que j'aime bien faire... mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui pensent qu'ils sont de gauche, mais en fait, il y a un moment, il faut regarder comment... il ne suffit pas juste de le dire, il faut aussi analyser tous les repères socio-économiques, faire une vraie enquête sur soi, pour savoir... Parce que moi, je pourrais te dire, bah, je suis de gauche, mais en fait, je suis artiste et tous les artistes, ce sont les premiers à détricoter toutes les conventions sociales, toutes les lois sur le travail. On est les grands détricoteurs de ce que les ouvriers ont gagné à force lutte, quoi. Et donc, voilà, il y a quand même chez les artistes aussi, et je dirais aussi dans les... Je ne sais pas si ça s'est calmé, mais il y a une génération de gens de cabaret qui nous, à cause de Drag Race aussi, qui nous ont expliqué que grâce à leur créature, ils étaient meilleurs, ils étaient devenus des gens meilleurs. Enfin, la question de la performance du soi, de la perfectibilité du soi, du vrai soi, pour moi, c'est de la merde en gros paquet, quoi. Hein, l'ontologie, le soi, je suis devenue une meilleure personne. Oui, bien sûr qu'on sait très bien que les masques ont des vertus. Des vertus révélatrices sur qui on est, mais je pourrais interroger quand même le bouillon néolibéral qui fait vraiment le ciment de toutes les dragresseries et en fait du discours de beaucoup de nos camarades. Ouais, et je peux être très critique avec ça. Ouais, j'ai un peu de mal. Je sens que c'est chargé. Mais pour recentrer sur le cabaret en tant que tel, c'était quand même important pour toi. Bah alors on le sent parce que tu viens du cabaret, que ta créature vient du cabaret, etc. Mais d'aussi inviter d'autres personnes, des numéros, de garder ce lien à ça. Pour toi, ça n'aurait pas pu être que un monologue rire. Ben ouais, non, même dans la première, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu, je me suis fait institutionnaliser, aïe. Quand je dis institutionnaliser, je dis toujours aïe, derrière. D'ailleurs, t'as une très belle vidéo dont on reparlera en troisième partie de podcast sur le fait que tu as gagné un prix Maeterlinck de l'écriture. J'en ai gagné deux prix. Et ça, c'est dé aussi. Donc, en fait, au départ, dans les premières intentions du spectacle, j'avais même dit, bah, vu que moi, maintenant, l'institution m'invite à faire des cabarets, il n'y a pas de raison que j'en profite seule. Et donc, je demanderai à chaque fois que j'irai jouer à Mons, à Truc, à machin, je prendrai des personnes du cru. Bon, voilà. Donc ça, je n'ai pas pu faire parce que finalement, bah, quand même, les choses ont été créées un peu plus précisément. Et donc, Mais oui, c'était important pour moi. Et puis, par ailleurs, c'était aussi important de... Par exemple, un numéro comme qui est porté par Olga, d'y remettre aussi l'air de rien, Olga, la façon dont elle pratique le strip, par exemple. Nous, chez les queeros, disons, ça ne nous choque pas. Oui. Mais par contre, dans l'institution, ils c'est sont pas une... prêts, quoi. Ils sont pas prêts. Avoir une femme qui dit « Je suis d'accord d'être ton objet, agite ta caméra et fais les zooms où tu veux sur mon corps », parce que c'est ça qu'elle fait, c'est une danse érotique presque qu'elle fait, ouais, Olga. Et qui en même temps est en fait très simple. C'est ultra simple, c'est, ouais. Et c'est par exemple dans l'institution, donc les gens qui viennent, le public consommateur de l'institution, le strip d'Olga, ça a été un débat extraordinaire, parce qu'en plus il est long, c'est un des plus longs numéros. Sur est-ce que je suis une bonne féministe, est-ce que je suis pas une bonne féministe, les hommes, qu'est-ce que je dois regarder, je ne comprends pas, on ne me dit pas ce que je dois penser, hein, y a pas de texte, et elle est là, et elle est à disposition comme ça, dans un consentement total. Et ça, c'était aussi important pour moi en tant que femme, en tant que féministe par ailleurs aussi, de dire on peut être cet objet de désir là. Et quand tu dis dans l'institution, ça a choqué, c'est aussi avec tes partenaires de production. Il y a eu des tensions. Alors après, ça, je ne sais pas à quel point tu te sens ou tu peux en parler, mais il y a eu des tensions sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas figurer dans le spectacle en fonction de l'argent que mettaient des institutions sur la table ou quoi. Ou ça, quand même, tu as été épargné par ce... Ben, moi, je n'ai jamais fait des spectacles tout doux. Donc, a priori, ils savent que ça va faire... comme ça. Ça fait quelques années, bon, Mathias Varenne, qui est le directeur de la Balsamine, j'avais jamais travaillé avec lui, il m'a foutu une paix royale quand même. Par ailleurs, moi j'ai une super productrice qui fait très pare-feu, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des choses qui se disent, mais alors elle se garde bien de m'en parler et elle me défend. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des gens qui font pare-feu à la connerie, et elle fait ça hyper bien. Et ça, c'était merveilleux. Non, et Philippe Kaufmann ou des gens comme ça, qui est le directeur du Mars, hein, qui me suit depuis des années et qui savent que quand même, il y a quelque chose à voir avec le soufre dans mon travail. Donc, personne ne m'a emmerdé. Voilà, ils ont juste dit, voilà, ça sera interdit au moins de 16 ans. Ou on fera des triggers ou warning et puis tout ça. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est l'institution. S'ils doivent mettre des trigger warnings, ils mettent des trigger warnings et puis il n'y a pas de problème. Ouais, mais personne ne m'a embêté. Il y a des gens qui ont dit « Ah, ce serait peut-être bien de raccourcir ce moment-là qui est gênant. » Et puis ça a créé tellement de débats au sein de leur propre équipe qu'ils ont vu à quel point il y avait une raison pour laquelle il était long et lent. Ah, waouh. Ouais. Ah ouais, donc non, ça va. Okay. Mais ça choque. Ben oui. Par contre, je pense qu'il y a des... Parce qu'il y a ça, il y a plein de gens qui ne nous prennent pas. Ouais. Et ben, c'était ma prochaine question en termes de diffusion. Ouais. Parce que bon, déjà, moi, je joue dans un spectacle, Le Songe d'une nuit d'été, qui est beaucoup, beaucoup plus doux que le tien. Et on a déjà entendu plusieurs personnes nous dire « c'est super, mais pas pour mon public ». Comment ça tourne Rire, qui est quand même en plus un projet qui... Enfin, il y a un succès public, il y a un succès critique avec une reconnaissance, avec deux prix... obtenu, etc. Est-ce que tu arrives à le vendre hors de Bruxelles ou hors de centres qui sont très étiquetés sur ce genre de spectacle, comme tu dis, un peu sulfureux, un peu provoque, on pourrait dire, entre guillemets ? Écoute, je ne sais pas trop comment... là, cette saison, on a fait quand même 15 dates. Et c'est énorme pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre et qui ne connaît pas le réseau et tout ça, et dont à Rennes, à Paris, on a commencé. Donc ça se passe plutôt pas mal, ça a l'air de bien prendre. Moi, j'ai l'impression qu'on va être un peu un spectacle de festival. C'est-à-dire, on a fait une petite prise de risque avec des Belges complètement tarés. Je sens que ça va faire un peu ça. Et si vous voulez aller voir autre chose, c'est possible aussi. Et vous pourrez comparer. On a mis sur des thématiques, ou on va peut-être faire les fins de saison aussi, des coups de cœur de programmateurs. Voilà, mais je ne sais pas encore, je n'ai pas encore de recul là-dessus. Je sais pas, on vous dira la saison prochaine. Ok, super. Eh bien, c'est déjà le moment d'une deuxième petite pause musicale. Oui, alors là, je suis désolée, il faut que j'introduise. Oui, écoute. Donc, c'est une chanson que je n'ai jamais chantée au cabaret. Et donc, comme elle était dans mes valises, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon fils et mon gynécologue, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir des dialogues fort intra-utérins et joyeux. Et donc, voilà, je vous la donne. Elle est mal enregistrée. J'espère c'est un peu une maquette, quoi. C'est une maquette. C'est complètement une maquette. Et donc, vous allez pouvoir me juger. Et donc, il fut un temps où il était question qu'elle soit dans Rire. Ouais, et même je l'avais écrit aussi pour aller la jouer dans des cabarets, mais oui, mais ça ne s'est pas fait. Bah non. Eh bien, on vous laisse avec une maquette de Sarah Selma Dolores. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks and Merveilles, c'est une exclue mondiale. Mais je vais regretter d'avoir fait ça dans un peu de temps. Allez, bonne écoute et on se retrouve juste après. Courage, ça. Courage. Vous êtes toujours sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Et on vient d'écouter une exclusivité de Sarah Selma Dolores. Oui. Comment tu te sens à réécouter ça? Tu me disais que tu l'avais plus écouté depuis très longtemps. Ben oui, je me suis dit, en fait, il faut que je le raconte, que voilà, non, je comptais la chanter avec mon gros ventre de femme enceinte, comme une, que c'est une berceuse. Ben, je me dis que je suis bien conne, voilà. Enfin, elle est très belle, cette chanson. Elle est bien réalisée, c'est Gilles Morciot qui a fait la musique. Et voilà, on l'a... Elle est là, elle flotte. Bah en plus, c'est beau, tu lui chantes cet enfant-là, tu l'as gardé. Oui, et d'ailleurs, mon fils, maintenant qui est en âge de comprendre, il me dit « Maman, c'est quoi la chanson que tu as écrite pour moi ?» Et je suis là, putain. ouais, comment te dire, c'est une chanson pour les enfants. Ouais, bref, c'est compliqué. Tu me la chantes ? Non. Après, il la rechante comme ça, et je me dis oh, « il a déjà eu des petits problèmes à l'école, parce que... » quand on a 5 ans, les genres sont très stricts comme ça. Oui, oui. Et donc, il s'est engueulé avec un de ses camarades parce que mon fils disait « Bien sûr que les hommes se maquillent. Bien sûr que les hommes se maquillent. » Eh bien, oui. Et autour de lui, ben oui, forcément. Et dans l'autre, de ne pas comprendre. Et voilà. Mon petit garçon, son modèle masculin, là, vraiment la personne qui l'inspire le plus en termes vestimentaires, c'est Baxter. Ah oui. Voilà. Je comprends qu'ils soient un peu à la marge de... Voilà, il est fasciné par Baxter dans le spectacle. Du coup, il met tout le temps des nœuds papillons pour aller à l'école, des choses comme ça. Il est complètement fasciné par Baxter et il le trouve trop beau et tout. Il a même envoyé un vocal l'autre jour. Oh, wow. Ouais, pour lui dire « Baxter, je trouve que t'es très beau et que tu chantes très bien. Oh. » Donc, oui. Voilà, je ne vais pas faire plus de problèmes à mon enfant. Eh bien, si on reparle de toi, du coup, pendant le... Bah, alors déjà, il y a cette, vidéo qu'on a un petit peu évoquée, où tu dis, moi j'ai commencé dans la rue, après j'ai fait du cabaret, j'ai fait plein de choses, et puis maintenant, je reçois un prix Materlingue de l'écriture, ouais. Je me fais vieille. Ouais. Tu as le sentiment que tu commences à te faire vieille ? Moi, je vieillis, ça c'est certain. C'est plutôt agréable. Voilà. C'est quand même... physiquement, c'est désagréable, mais mentalement, c'est très agréable. C'est agi comme un bon Xanax quand même. Donc ça, c'est pas mal. J'ai dit ça parce que j'étais très gênée, en fait, qu'on me pose cette question. C'est très gênant. De parler de ses réussites, comme ça. Et donc, j'ai fait une boutade pour ne pas répondre à la question. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu le prix ? Eh bien, j'ai l'impression de vieillir. Mais non, j'ai pas, je me sens alignée. Mmh. Et ben justement, pendant le spectacle, tu reviens sur plusieurs épisodes de ta carrière, notamment... ton duo Boudin et Chanson récupéré par l'extrême droite, voilà, ouais. Et notre très chère Marine Le Pen, voilà. Aussi, tu reviens sur pas mal d'épisodes, et moi j'avais un peu le sentiment à certains moments en voyant la pièce d'une espèce de fin de cycle, quoi, d'une espèce d'au revoir très tendre à une première partie de carrière. Est-ce que du coup t'as ce sentiment d'une bascule et que maintenant que tu es dans l'institutionnel, tu vas y rester ou bien c'est pas si clair que ça ? En tout cas, c'est sûr qu'il y a, un travail rétrospectif sur ces 15 dernières années, finalement mes années bruxelloises, mes 18 ans bruxellois, qui m'ont fait naître, hein, parce que ça a été très important pour moi d'arriver ici. Et donc, il y a un travail psychanalytique même là-dedans. Non, moi, en fait, l'institution, pas l'institution, je pense qu'il faut prendre... l'institution, c'est nous, en fait. Tu vois ? Et donc, l'institution, j'ai pas... C'est pas l'institution qui me parle. L'institution, c'est nous. Moi, là, je suis en train de travailler sur la suite et je travaille autant des projets avec l'institution parce que j'ai souvent travaillé des projets avec l'institution. C'est même avant, je ne me suis pas... j'ai fait un grand spectacle de théâtre, disons, là, c'était quelque chose. Mais avant ça, j'ai toujours travaillé avec Centrale, le Charivari, à la Louvière, la Consoerie. C'est des actions que j'ai pensées avec l'institution. Donc, quand je dis c'est nous, c'est vraiment important. J'ai une pratique... d'art partagé, de, où je pense qu'il y a des choses à faire avec les œuvres d'art, avec les gens et les œuvres d'art, pas que faire des spectacles et les donner, quoi. Donc voilà, non, moi je vais travailler autant dans des endroits, disons, alternatifs qu'avec les institutions, ça ne change pas tellement. Voilà. Mmh. C'est juste que maintenant, ça va être plus simple de trouver des coproducteurs. Eh bien oui. Encore que. Vu ce qui nous arrive en termes de coupes budgétaires pour tout le monde, je ne suis même pas sûre de ça. Ouais. Et ben justement, la suite, tu dis que tu prépares la suite, tu as déjà quelque chose de précis en tête ou tu as déjà dans quelque chose qui se met ou bien tu préfères garder une petite... Je suis en enquête pour l'instant. Je travaille demain, je rencontre le bourgmestre d'Anderlecht, par exemple, pour lui poser des questions. J'enquête un peu sur le territoire. Mmh. Et moi, j'ai des obsessions, ouais. Mais ça, c'est que je nourris. Donc, oui, je suis en train de penser à faire un projet circassien, parce qu'il y a aussi ça dans ma vie. Et c'est quelque chose... Qui est un cousin du cabaret, hein. C'est les cabarets cirques d'ailleurs, ça fait partie de la même maison dans ces formes qu'on appelle les cabarets, hein, qu'on devrait toujours écrire au pluriel d'ailleurs. Mmh. Mais donc voilà, oui, j'ai des envies, ouais, j'ai des envies, mais pour l'instant je suis encore au balbutiement, voilà. Yes. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi. C'était très chouette de t'avoir. Avant de te laisser filer, faire de nouvelles aventures, quelques petites questions rituelles. Oui. Sans le cabaret, tu serais devenu quoi ? Tu serais devenu qui ? Il y a toujours eu le cabaret. Non, vraiment. Ben oui. Ben du coup justement, si le cabaret n'avait jamais existé ou s'il avait existé dans une réalité à laquelle toi t'aurais pas eu accès. Eh ben ça voulait dire que j'aurais été encore moins cultivée que je le suis. Parce que moi c'était quand même la vertu du cabaret, c'est quand même la facilité joyeuse et pas snob de faire ça l'ensemble. Donc j'aurais été bien mal. J'aurais été bien triste. Si tu as tout le budget du monde pour faire un show, tu fais quoi ? Je m'arrange pour ne pas faire un show et, et donner l'argent, tout le fric du monde pour faire un grand show. Ça me fait pas bon. Moi, l'argent, ça me... Je suis pas contre, j'adore dépenser de l'argent, mais ça me fait pas... La question de grossir et des grosses formes, ça me... Je suis un peu... J'aime pas trop les grosses formes. Mmh. Grosse forme. Mmh. Donc je paye juste encore plus tous les gens avec qui je bosse et puis je m'arrange pour faire du détournement de fonds, pour m'arranger pour que ça arrive sur une association qui travaille et qui s'essouffle. Mmh. Ouais, ça tombe bien, elles sont nombreuses. Oui. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un bon copain. Ouais. Ouais, il me dit plein de choses. Mmh. Mmh. Et parce que j'ai découvert en préparant l'interview qu'en fait, tu as commencé par faire de l'art aérien en chapiteau. Ouais, du cirque. Enfant, ouais. Du cirque. Ouais, je faisais du trapèze. Oui, voilà ça, du trapèze. Tu me reverras plus sur un trapèze. C'est fini. Donc j'imagine que ton dialogue actif avec ton corps, il a dû commencer tôt. Ouais. Parce que ça a été ton outil de travail assez jeune et, ouais. Et il a dû bien évoluer. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu allergique au sport maintenant, hein, quand même. Hein. Non, mais moi, je pense surtout que être une... Enfin, voilà, la femme que je suis, elle est dans une... Ouais. Moi aussi, je suis en transition de tout un tas de choses et que je trouve intéressant de mettre ça sur les expressions, sur... C'est plutôt ce qui m'intéresse dans ce dialogue-là, moi, aujourd'hui, c'est comment on arrive à pas se retrouver dans une petite boîte qu'on se fabrique soi-même. Comment on se singularise sans s'enfermer. Mmh. Comment on se ménopoïse sans se décrépiter. comment on se queerise sans se labelliser. Mmh. Tout ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Et c'est le corps qui répond assez bien. Plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Sarah Silvan Dolores ? Ah, c'est un peu la même chose. Plutôt Freaks Merveille. Ouais, plutôt Freaks. Bon, bah parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Passé, c'était super. Merci pour cette belle préparation d'interview. Bah, avec grand plaisir. C'était... Vous êtes une parfaite intervieweuse. Oh, eh bien, merci. Vous êtes une parfaite interviewée, si je puis me permettre. Voilà, c'est beau. J'espère que vous serez aussi contents que nous, parce que nous, on est hyper contents de nous-mêmes. C'est ça, c'est des grandes tapes dans le dos. Bon, bah, écoute, le meilleur pour la diffusion de rire. Ouais. Et puis pour la suite et toutes les choses incroyables que tu as sans doute encore en stock et dans les envers. Ouais, on verra bien. En tout cas, oui, on verra bien. Bonne année à tous les autres copains, ce sera en février, mais c'est pas grave. On a le droit quand même un peu. Encore un peu. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Freaks et Merveilles. Dans 2 semaines, on reparlera Paul et Travail du sexe avec la formidable Bissi. Ça va tourner. Freaks et Merveilles, c'est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée un samedi sur deux sur Radio Panique. Merci à LE. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.